Oui, c'est vrai que j'ai, enfin, en préparant la présentation là pour ce soir, j'avais peur justement d'en donner. Il est à la fois extrêmement préoccupé par la disparition, par la mort. Enfin, il y a tout un côté très sombre chez lui, et en même temps, c'est vrai que pour lui, l'antidote, c'est le rire. C'est notamment très présent dans l'usage du monde. C'est-à-dire que son amitié avec Thierry Vernet, il l'a dit aussi comme ça. Il dit on déconne tout le temps. Il faut voir les surnoms qui se donnent, etc., dans la correspondance. Enfin, c'est vraiment très présent. Et oui, la mort de son père, en fait, il raconte donc ce père, directeur de la bibliothèque publique universitaire de Genève, certes qu'il l'avait poussé au voyage, etc., mais enfin, on est quand même dans, je pense, une figure assez raide. Et le jour où Nicolas Bouvier apprend la mort de son père, donc voilà, très brutal, il passe en fait devant, il est dans la rue. Et il passe devant une fenêtre, et il se trouve que la fenêtre est ouverte, je sais pas, c'est peut-être l'été ou le printemps, et il entend en fait les ébats amoureux d'un couple. Et le télescopage dans la réalité entre la tristesse d'apprendre le décès de ce père hyper rigoriste, etc., et puis la collision avec les ébats très joyeux, je crois que les paroles sont assez vertes, du couple, je sais pas si tu l'as là. Voilà, en effet, c'est vrai que c'est très présent. Il disait du rire que c'était un des meilleurs passeports pour voyager. Si tu as le passage, on peut peut-être le lire. J'avais eu cette chance d'aimer beaucoup mon père. Tout à mon chagrin, je passais sous une fenêtre éclairée derrière ses rideaux de dentelle et j'entends une voix d'homme, jeune, essoufflée, chantante, l'accent de Toulouse, dire. Caresse-toi les seins pendant que je t'astique. La candeur et la fraîcheur de ce projet érotique m'ont fait sans transition passer des larmes au rire. Je me suis tournée vers ma droite, un brin embarrassé, comme si j'avais manqué de respect à cette ombre toute neuve qui aurait mérité plus de tenue. Il était là, fantôme encore fragile et indécis, les premiers pas, plutôt léger brouillard et fumée d'octobre que véritable spectre. Mais non, c'est vrai que c'est. De toute façon, c'est vraiment. Voilà, c'est, je ne sais pas parmi vous qui l'a lu, qui ne l'a pas lu, mais c'est toujours comme ça une manière de regarder les choses sous un angle très, très particulier. Et en même temps, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher, en effet, voilà, cette fameuse cocasserie dont il parle. Et en même temps, et moi, c'était quand même ça, je me souviens bien dans ma rencontre avec son œuvre qui m'avait bouleversée, c'était. Cette honnêteté, c'est-à-dire que Bouvier, il dit tout, il dit le rire, etc., mais il dit aussi voilà, ces états d'immense faiblesse qu'on peut connaître, ces moments de dégringolade, et tout est assumé. Et voilà, et moi, c'est vrai qu'au moment où à l'âge assez jeune où j'ai rencontré cette œuvre-là, je crois que c'était vraiment pour moi. La première fois que je rencontrais ça dans la littérature, c'est-à-dire une manière en même temps de dire je, mais avec une humilité extrême, une manière de dire l'extrême bonheur comme l'extrême tristesse. Pour moi, on est quand même j'ai envie de dire, dans un paysage de l'intimité extrêmement complet, quoi. La seule chose finalement dont Nicolas Bouvier ne parle pas, et il s'en justifie, c'est l'amour. Il parle pas d'amour. Il y a en gros, là, les passages qu'on a lus, c'est peut-être les deux seuls, le tomber amoureux, pardon, et de politique. Oui, alors oui, c'est vrai. Ouvertement, il n'en parle pas. Il a une phrase marrante. Il dit juste, mais c'est vrai que c'est très fugace comme ça. Au retour de ses 4 années de voyage, il dit c'est un miracle que je sois pas devenu communiste. Bon, voilà, mais c'est vrai que la politique non plus, en effet, il n'en parle pas. Et puis l'amour, il se justifie en disant que sur ces choses-là, tout le monde en sait autant que lui. Voilà. Mais par exemple, il y a Anne-Marie Jaton, qui est une des personnes qui connaît bien son œuvre et qui l'a connue, Nicolas Bouvier. Elle dit par exemple que c'est pour ça qu'il n'aurait pas parlé de l'Inde, que finalement, la puissance érotique, il arrive quand même d'Iran, hein, donc évidemment, le contraste est fort. La puissance érotique du pays est telle, et c'est vrai, le contraste entre ces deux pays, il est vraiment de cet ordre-là. Moi, j'avais suivi cette route, donc je vois bien la puissance du contraste. Et elle dit ça. Elle dit que finalement, il était tellement occupé à être heureux avec ça qu'il n'y a pas le temps d'écrire. Oui. J'en ai pas parlé de ça. Monsieur évoque le jour en fait où Nicolas Bouvier tout simplement a perdu son manuscrit à Quetta, au Pakistan. Alors il va aller escalader la décharge de Quetta à la recherche des feuilles éparses. En effet, oui, c'est une des choses dont j'ai pas parlé. Ce manuscrit, en fait, il a été jeté, je crois qu'il était négligemment comme ça posé sur une table, et puis il y a un serveur qui tout simplement l'a foutu à la poubelle. Et évidemment, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que Nicolas Bouvier va tout réécrire, bien entendu, tout a disparu, donc là c'est même pas une histoire de temporalité qui est passée et tout, c'est qu'on a perdu, vous dites 80 pages, je vous crois. en tout cas, tout a été perdu et tout est réécrit, donc... oui, mais c'était un épisode qui est raconté dans L'usage du monde. Après, il y a des tas de choses hein, dont je vous ai pas parlé, mais je regarde si. Mais je préfère prendre plutôt vos questions si vous en avez. Oui, c'était en effet une des vertus pour Nicolas Bouvier. Vous vouliez dire ? Ouais, comment je suis arrivée à Nicolas Bouvier ? En fait, j'ai choisi vraiment de me concentrer sur son œuvre parce que c'est ça qui est important. Moi, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur lui quand j'avais 19 ans, en fait, par le biais de ses photos. Il y a eu une exposition qui s'est appelée « Le vent des routes ». Et voilà, j'ai vu cette affiche, on voit une photo, une silhouette de Bouvier à travers un pare-brise, le pare-brise de la fameuse petite Fiat, et voilà, j'ai découvert cette exposition, il y avait donc les photos, des textes en regard, et puis à la fin de l'exposition, il y avait un documentaire qui s'appelle « Le hibou et la baleine », que je vous invite aussi à regarder, qui est un très beau portrait de lui, et voilà, et ça a vraiment été une espèce de... d'épiphanie comme ça pour moi et je suis restée en arrêt et puis après j'ai creusé, c'est-à-dire que j'ai essayé de tout lire et de tout entendre. Nicolas Bouvier parlait très bien, il a fait beaucoup de conférences, c'est vraiment un bonheur hein, de l'entendre. Et moi quand je vous le lis, c'est sa voix que j'ai en tête. Et voilà, donc après j'ai décidé de suivre la route de L'usage du monde et du poisson scorpion et tout ce que je vous disais, ce que je me permets de dire par rapport à la question du roman et la question de la fiction dans ces textes, ça découle directement de mon expérience empirique à moi. C'est-à-dire que moi, je suis partie du haut de ma vingtaine, très naïve, en pensant que j'allais retrouver... J'avais fait tout un itinéraire hyper précis, point par point et tout. Puis voilà, je m'attendais juste à retrouver L'usage du monde. Et puis, bien entendu, il s'est passé tout autre chose. Là où il avait été très heureux, moi, j'étais très déprimée... Alors, tout ça était très naïf, mais en fait, malgré tout, je crois que c'est quand même ce voyage qui m'a permis de comprendre que, voilà, quand je le dis un peu de manière forte et provocatrice, que pour moi, L'usage du monde est une fiction. Voilà, parce que bien entendu, entre l'expérience et l'écriture, il y a de toute façon un temps et un... Oui, je parlais d'alchimie tout à l'heure. En tout cas, le réel est passé à travers un tamis comme ça, et puis ce qu'il en résulte est autre, forcément. Le festival. Oui. Quand je dis ça, c'est juste... Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui. La poule, le Brésil, oui. Oui, oui, et c'est vrai qu'en en fait, c'est juste, c'est la notion d'écrivain voyageur, je dirais, d'aujourd'hui que, contre laquelle je résiste. Parce que si on reprend l'origine, en fait, cette expression, elle vient en effet d'un groupe de gens. Parce que Nicolas Bouvier, il en parle, hein, de cette histoire d'écrivain voyageur. Et puis il dit, mais moi, j'ai rien contre, parce qu'au fond, c'était une bande de gens super sympas, passionnants. Et puis voilà, c'est vraiment juste, voilà, c'est par rapport au terme actuel que je m'oppose. Mais au fond, oui, et il faisait donc partie de toute cette troupe, Michel Lebris, Gilles Lapouge, Jacques Lacarrière, bien sûr, et voilà, il fait partie des pionniers du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Voilà, c'est juste que, bah, en 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Bah, Bouvier, il disait ça quand même. Il disait, monsieur parle de Robert Walser, qui est pas connu pour être un voyageur, mais en effet, dont l'écriture, enfin, ça fait partie des grands écrivains suisses. Bon, on a quand même, alors Ella Maillard, j'en parlais, même si elle n'est pas dans une entreprise de littérature, mais ils sont quand même beaucoup à être sortis de leur tout petit pays. On a Blaise Cendrars, bien sûr, pour aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Non, l'autre chose très importante dont j'ai pas parlé, c'est Nicolas Bouvier parle beaucoup du processus d'attachement et de détachement, d'attachement et d'arrachement, qui est pour lui le mouvement du voyage, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part et puis on reste, on rencontre des gens, puis aussitôt on repart. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent dans son œuvre. Voilà, il y a aussi, ah oui, une chose très, très, que j'aime beaucoup chez lui, s'il aimait aussi autant le voyage, c'était parce que, contrairement au milieu dans lequel il était né, il trouvait que le voyage, enfin d'ailleurs non, ce serait vrai de tous les milieux, mais bref, il trouvait que le voyage donnait, et je suis complètement d'accord avec ça, une mobilité sociale que la vie sédentaire ne donne pas. Et il disait que dans sa difficulté à rentrer, hein, il a passé des semaines, si ce n'est des mois, à aller tous les matins à la gare de Genève pour entendre partir les trains, en déprime, peut-être pas en dépression, en tout cas bien déprimé, parce qu'il supportait pas d'être, comme il disait, repris comme une pistache dans le nougat social. Et je trouve que l'expression est juste, c'est-à-dire qu'en voyage, il pouvait passer une nuit chez une châtelaine qu'il avait recueillie au bord d'une route, et puis le lendemain, dormir à même les cailloux ou avec trois brigands sous un pont. Voilà. Et il adorait comme ça cette liberté sociale que le fait d'être hors de chez soi lui donnait. Oui. Oui, son mot préféré c'était fourbu, et c'est vrai que la frugalité il aimait bien. Chez lui, il est toujours question, on mange avec un oignon, un morceau de pain et une poignée de cigarettes. Ouais. En tout cas, voilà, c'était disons une figure très attachante, et c'est vrai que là où pour moi il a une place très particulière, c'est que c'est quelqu'un qui à la fois ma mise sur les routes, enfin c'est vraiment parce que Nicolas Bouvier que j'ai voyagé, et en fait j'ai l'impression, malgré moi, hein, de manière très inconsciente, c'est-à-dire pour moi c'est marrant de vous faire cette présentation ce soir, 15 ans après avoir découvert Nicolas Bouvier, de voir que les choses sont toujours pour moi autant, enfin aussi fortes, quoi, le lien est toujours aussi fort, et finalement j'ai suivi cette boucle, c'est-à-dire que la lecture a amené au voyage, le voyage a amené à l'écriture. Et voilà, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce chemin-là que j'ai suivi sans d'ailleurs m'en rendre compte. Enfin, partir en voyage, si, mais l'écriture, non. Merci beaucoup. Merci à vous. À Ingrid.